Si vous voulez devenir routier, moi, ce que je vous conseille, allez-y. N'hésitez pas. De toute manière, c'est une branche à l'heure actuelle qu'on reconnaît. Mais allez-y. Allez-y plein cœur. Si vous aimez la route, allez-y. Foncez dedans. Foncez. Allez-y. N'hésitez pas. N'hésitez pas parce que c'est un métier qui est... C'est sûr qu'il est dur, mais allez-y, foncez. N'hésitez pas, ne choisissez pas prof ou autre, mais si vous voulez faire de la route, allez-y. La route, meilleur, ça vous fait voyager. Vous allez voir du pays, mais rentrez dedans. Rentrez dedans. Qu'est-ce que t'as dit, tiens? Attends, poteau du pont de l'Allemagne. Toi, t'es bien un bâtard. Bâtard! Eh Olivier, ça va, ça fait des conneries derrière! Lapino! Bâtard! On va accueillir les gens pour réagir au débat. Au débat. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Impeccable.